Le matin, quand mes yeux s'ouvrent sur le réveil, j'ai pas envie de me lever tous les jours, ça c'est pareil. Quelle heure est-il au soleil? Aujourd'hui ce sera comme la veille. Mais quelle heure est-il au soleil? Aujourd'hui ce sera comme la veille. Moi j'aime regarder mes ongles pousser, j'aime voir voler les oiseaux du ciel. Moi j'aime regarder mes ongles pousser, j'aime voir voler les oiseaux du ciel. Moi j'aime me poser pour pouvoir penser, mais j'aime écarter mes orteils. Moi j'aime me poser pour pouvoir penser, mais j'aime écarter mes orteils. Les bruits de la ville m'asphyxient, la foule des badauds qui courent m'ennuie. Les bruits de la ville m'asphyxient, la foule des badauds qui courent m'ennuie. J'aime pas les pavés qui étouffent la terre, ni les arbres en cage qu'on taille en hiver. J'aime pas les pavés qui étouffent la terre, ni les arbres en cage qu'on taille en hiver. Quand mes yeux s'ouvrent sur le réveil, j'ai pas envie de me lever tous les jours, ça c'est pareil. Quelle heure est-il au soleil? Aujourd'hui ce sera comme la veille. Quelle heure est-il au soleil? Aujourd'hui ce sera comme la veille. Sonnette à ma porte et ma voiture est sans klaxon. J'ai pas de sonnette à ma porte et ma voiture est sans klaxon. Tout ce qui agresse me révolte et je suis mon propre patron. Tout ce qui agresse me révolte et je suis mon propre patron. Je travaille dans les champs, je veille à la santé des plantes. Moi je travaille dans les champs, je veille à la santé des plantes. Si elles sont bien, je suis content, même si pour qu'il pleuve, faut que je chante. Si elles sont bien, je suis content, même si pour qu'il pleuve, il faut que je chante. Quand mes yeux s'ouvrent sur le réveil, j'ai pas envie de me lever tous les jours, ça c'est pareil. Quelle heure est-il au soleil? Aujourd'hui ce sera comme la veille. Mais quelle heure est-il au soleil? Aujourd'hui ce sera comme la veille. Aujourd'hui ce sera comme la veille. Quelle heure est-il au soleil? Aujourd'hui ce sera comme la veille. Mais quelle heure est-il au soleil? Aujourd'hui ce sera comme la veille. Quelle heure